بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الخامس cinquième leçon de ce livre de Al-Istidlal à la 15 et l'Atfal dans la partie de Aqidah al-Tawhid et dans Bab al-Iman wa Maratib al-Din قال المؤلف حفظ الله تعالى من أين يأخذ المسلم دينه d'où est-ce que le musulman prend sa religion. Là, c'est une question citée également dans Al-Mabad al-Mufida. Qala fil jawab min al-kitab wa sunnah. Qui prend sa religion, il l'apprend d'où? Comme il apprend ses rites, ce qu'il a à faire, dans le Coran et dans la sunnah authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on ajoute comme condition importante, en comprenant les textes, comme l'ont compris les salafs, les précédents, ceux dont Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge dans son livre, et ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge également. Et lorsqu'on fait, on dit salaf comme ça de façon, on va dire catégorique, on vise par là les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça englobe également les tabi'in, ceux qui sont venus après eux, et les adba'a tabi'in, ceux qui sont venus après eux, les trois premières générations. Et de façon générale, plus large, on peut dire que toute personne qui était sur leur voie et qui est mort avant nous, rentre pour nous parmi les salafs. Mais le noyau des salafs sont les sahaba. Non. قال والدليل قوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون suivez ce qui vous est descendu de votre Seigneur, ne suivez pas d'alliés en dehors de lui, et ce n'est que peu que vous vous rappelez. Al-A'raf verset 3. Donc là Allah nous dit que ce qu'il a apporté comme révélation, on doit l'accepter et se soumettre, ne pas regarder à droite ou à gauche. Et ce verset là est une preuve qu'il ne faut pas suivre aveuglément les gens pour apprendre la religion, mais la prendre depuis la révélation. Wa qala ta'ala wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Est-ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Est-ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et craignez Allah, car Allah est Dieu en châtiment. Donc là, c'est un verset qui nous prouve qu'il faut prendre la sunnah. D'accord, qu'il faut prendre la sunnah. Car Allah nous ordonne de prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a à apporter. Al-Hash, l'Exode, verset 7. Ou al-Hadith, Hadith Abi Huraira, radiallahu anhu, qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inni ka taraktukum, ou taraktu fikum, shay'an, lantadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati, wa lan yatafarraka hatta yarida alayya al-Hawd. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak, et qui était authentifié par l'imam Al-Albani, je vous ai laissé deux choses dont vous ne pourrez vous égarer après elles. C'est-à-dire, celui qui s'accroche à ces deux choses-là ne s'égarera pas. Il a dit le livre d'Allah, Azza wa Jal, et sa sunnah, sa tradition. Il l'a dit, et les deux sont inséparables, indissociables. Le shahid, en tout cas, c'est ce qu'on a dit auparavant, c'est le livre d'Allah et la sunnah de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. قال في السؤال الواحد والعشرين ما عقيدتك؟ Quelle est ta croyance, ton dogme? قال سني سلفي. Je suis un sunni, un salafi. والدليل قوله تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Celui qui fait scission avec le messager après que la guidée lui soit parvenue et qu'il suit une voie autre que celle des mécréants, nous le détournons comme c'est détourné et nous le guiderons vers l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Nisa, les femmes, verset 115. Et là, justement, ce verset-là explique bien qui est celui qui suit une voie autre que celle des croyants. À la base, ça visait quoi? Les sahaba. Donc ce verset est une preuve du suivi du ménage salafi. Et il y en a d'autres, Adillah. Après, par la suite, il cite le hadith de Al-Ibad ibn Sa'aliya. Lorsque le Prophète leur a fait un sermon, à tel point qu'ils en ont pleuré et que les cœurs ont frémi. Et ils lui ont dit, on dirait un message d'adieu. Donc, quelle est ton exhortation? Il dit, par la suite, je vous exhorte à l'écoute ainsi qu'à l'obéissance, c'est-à-dire celui qui aura le pouvoir sur eux. Quand il dira, vous allez certes voir après moi beaucoup de divergences. Donc dans ces divergences-là, comment est-ce qu'on agit? Comment se comporter? Donc il a dit, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califs bien guidés et droits. Et accrochez-vous, accrochez-vous-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles. Car toute chose nouvelle, c'est-à-dire en religion, est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et dans notre hadith, toute innovation mène au feu. Donc quand on diverge entre nous, d'accord, comment on réconcilie? Par le kitab à la sunna. Comment quand l'État Allah? Quand l'État Allah? Yayou lazina amanu, izit lazatum fichin, faruddu, faruddu, ilallah wa rasul, in kuntum minma billahi wulun akhir. Zalika khairun lakum wa ahsanu ta'wila. Oh, vous qui avez cru, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez à Allah et à son messager. Cela est de meilleure interprétation pour vous. Donc on revient au kitab à la sunna. Et non pas comme certains disent, quand je vois des divergences, comment je fais pour savoir où est la vérité? Ils te disent par exemple, suis cher un tel, ou suis telle personne, ou écoute telle personne. On dit non, je suis celui qui me donne des preuves claires. Qui qu'il soit, parmi les gens qui sont aptes, bien évidemment, à faire comprendre les preuves et à les comprendre en lui-même. Donc on revient à quoi? Au livre et à la sunna. Naam. Et c'est ça être un sunni salafi. Contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est un avis de savant, mais qui n'est pas correct, que tout sunni, c'est tout ce qui n'est pas un chiite. Les soufis ne sont pas des chiites, ne sont pas des sunnis. Est-ce qu'ils suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ne suivent pas la sunna. Les rois, les musulmans, est-ce qu'ils suivent la sunna? Ils ne la suivent pas. Les tablirs, est-ce qu'ils suivent la sunna? Ils ne la suivent pas. Les khawalij, est-ce qu'ils suivent la sunna? Ils ne la suivent pas. Les hizbi, est-ce qu'ils suivent la sunna? Ils ne la suivent pas. Ce ne sont pas des sunnis. ثم قال في السؤال الثاني وعشرين فدوزم كيستيون ما هي الجاهلية qu'est-ce que la jahiliya ce qui est traduit par la période pré-islamique de l'ignorance قال في جواب هي كل ما خالف الكتاب والسنة tout simplement tout ce qui s'oppose et au livre de la sunna on appelle ça jahiliya et certains l'appellent falsafa philosophie également والدليل قوله تعالى donc est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'ils veulent et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui est certain? Donc là ce verset dit bien que tout ce que tu prendras comme jugement qui n'est pas tiré du kitab de la sunna, c'est un jugement de la jahiliya. Et la jahiliya, qu'est-ce qu'elle est? La jahiliya, c'est toute l'époque qu'il y avait avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça la jahiliya. À part pour les autres communautés antérieures qui, eux, ont eu leur prophète, eux n'ont pas eu de jahiliya par rapport à leur prophète. Certains disent, car les ulama disent également, c'est les périodes qu'il y a entre chaque prophète ou entre chaque messager, on appelle ça la jahiliya. Quand les gens ont oublié la religion. Mais là, de façon générale, les ulama disent, nous, pour nous, les musulmans, qu'on est actuellement, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la jahiliya, tout ce qu'il y avait avant son époque, avant qu'il ne vienne. Donc on ne dit pas qu'il y a la jahiliya aujourd'hui, qu'elle existe encore, elle n'existe plus. Mais on dit que des gens ont en eux de la jahiliya. Ou que des choses de la jahiliya sont présentes. Mais la jahiliya en elle-même, elle n'existe plus. Ah, et cela avec la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves qu'il cite, un hadith d'Abu Bakr al-Siddiq, qui rentre dans un endroit et vit une femme qui ne parlait pas, elle ne voulait pas parler. Et il demande aux gens, pourquoi ne part-elle pas? Ils disent, elle a fait un hajj, un pèlerinage, dans lequel elle a fait le vœu de ne plus parler. Abu Bakr s'est mis en colère et il a dit, parle, car ce que tu fais là est une chose qui vient de la jahiliya. C'est-à-dire, ce que tu fais là, ça ne vient pas de l'islam. Ce que tu fais là, le vœu que tu as fait de ne pas parler, c'est une chose qui ne vient pas de l'islam. Et il a dit lui-même, هذا من عمل الجاهلية. Et sur le, immédiatement, elle a obéi, elle s'est mise à parler. Elle a délaissé, elle a obéi. Le hadith rapporté par le Bukhari. Également dans le fameux hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muzar, innaka imroun fika jahiliya. Tu es un homme qui est autour de la jahiliya. Car elle avait critiqué un sahabi du fait que sa mère était noire. Et ce genre de comportement que l'on voit aujourd'hui chez des gens, bien sûr, Muzar il a fait tauba de cela. D'accord? Et après il s'est rattrapé, bien évidemment. Ça a été une erreur de sa part à ce moment-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué, l'a corrigé, bien sûr, il a délaissé, c'est un sahabi. Mais le hadith le cite. Pour dire que ce qu'on entend aujourd'hui de la part de certaines personnes comme racisme ou comme dénigrement par rapport au statut social ou à la nationalité et ce qui y ressemble, c'est de la jahiliya à tout cela. Et le hadith, le muttafaq alayh. ثم قال ما هو الإحسان ما هو الإحسان سؤال ربيع عشرين 24e question قال ما هو الإحسان قال c'est quoi donc l'excellence dans l'adoration comme dans le hadith qu'on a dit au début du livre il va le citer le hadith de Jibril قال أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فلن يراك que tu adores Allah comme si jamais tu le voyais. Si jamais tu ne le vois pas, et certes tu ne le verras pas en cette dunya, mais dans l'au-delà, si jamais tu es un croyant, alors sache que lui, il te voit. Et tu sais qu'Allah, il voit tout. Il voit tout. Et le hadith, la preuve, c'est le hadith de Omar. Lorsque Jibril interrogea le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il finit ce bab par la 25e question, dans laquelle il dit « Fi ay suratin qaluhu ta'ala » إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Dans quelle sourate se trouve la parole d'Allah dans le sens où il dit que Allah vous ordonne la justice et la bienfaisance et les liens de parenté et vous interdit toutes les turpitudes et le blâmable et l'injustice et vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Et ce verset-là dans sourate An-Nahl, les abeilles. Et quelqu'un pourrait se dire pourquoi ce verset-là et pas un autre? Car les ulama ont dit que ce verset-là est le verset le plus général dans le Coran qui englobe tout en lui-même, de façon générale. Allah, il leur donne la justice. Toute forme de justice. Et la première des justices, c'est le tawhid. Et le rendre le droit à chacun. Donc là, le mot, il est général. Al-adl. D'accord? Après, il est dit, al-ihsan, la bienfaisance. Ça, c'est une chose à laquelle l'islam appelle être bienfaisant. Envers chacun. La bienfaisance est le relatif de chaque être en mesure de ce qu'il mérite. On ne va pas être bienfaisant envers un mécréant comme on va l'être envers un croyant. Par exemple, on ne va pas être bienfaisant envers un étranger comme on va l'être avec nos proches parents. Mais l'irsen, même dans la façon d'égorger, comme cela est dans des hadiths, même avec les animaux, l'irsen, on doit en faire preuve. Et après, il dit bien, et les liens de parenté. D'accord ? Les liens de parenté. Tout cela sont des choses générales qui englobent tous les ordres de l'islam. Après, il dit, il interdit les turpitudes. Les turpitudes, souvent, c'était interprété comme étant tout ce qui est apparent et qui porte atteinte aux mœurs des gens, comme la fornication, comme, par exemple, boire de l'alcool, et ce qui y ressemble. Et le munkar, c'est tout ce qui est interdit, tout ce que la religion n'accepte pas. Et le bari, c'est l'injustice. Et la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Donc, l'islam appelle à tout cela. Donc, ce verset-là, il est général. Et si Allah nous facilite, on ferait une conférence sur ce verset, bien ta'ala, car il mérite vraiment beaucoup de paroles pour que les gens assimilent plutôt le sens voulu dans la part d'Allah, Azzawajal, Naam, par rapport à ce verset-là. Et là, on a fini justement Beb, le premier Beb, chapitre de ce livre, qui est Beb. Qui est le bab dans l'iman et maratib al-din. Walhamdulillah bil alamin.